Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, l'ouverture des archives du Vatican et ce qu'on en entend. L'année dernière, le pape François II déclarait « l'Église n'a pas peur de l'histoire » et alliant le geste à la parole, annonçait l'ouverture des archives du pontificat de Pie XII couvrant la Deuxième Guerre mondiale. Ces choses faites depuis hier, ces archives secrètes du Vatican sont donc ouvertes à la consultation des chercheurs, enfin seulement 14 à la fois dans la petite salle de consultation. La liste d'attente est très longue pour se plonger dans les maîtres linéaires concernés. Malgré tout, c'est un événement et la promesse peut-être d'y voir un peu plus clair sur le mutisme de Pie XII face au nazisme. La vérité sur Pie XII est sans doute derrière les murs des archives du Vatican. À partir de ce lundi, des dizaines de chercheurs du monde entier vont avoir accès pendant plusieurs mois aux archives du Vatican afin de faire la lumière sur le rôle du pape le plus controversé de l'histoire. Pie XII, critiqué pour n'avoir jamais condamné publiquement la Shoah. Pape de 1939 à 1958, le personnage de Pie XII, Eugenio Pacelli au civil, a nourri de nombreuses polémiques sur son attitude pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ambassadeur de la papauté en Allemagne dans les années 30, il assiste à l'arrivée d'Hitler au pouvoir et rédige une encyclique critique au nom du pape en 1937, intitulée « Mit Bredener Sorge, une brûlante inquiétude », immédiatement interdite par le régime. Devenu lui-même pape en 1939, il se contente pourtant d'un message laconique à l'occasion des célébrations de Noël en 1942, évoquant le sort de centaines de milliers de personnes innocentes vouées à la mort ou à une extermination progressive sans nommer de coupable. Depuis les accords de Latran en 1929, la cité du Vatican est un pays neutre et de ce fait, le pape a un devoir de réserve sur la politique internationale. Plus personne ne lui demande sa bénédiction pour partir en guerre et lui-même n'appelle plus à la croisade, on s'en réjouit. Même une fois posé ce principe de neutralité, comment comprendre l'absence totale de condamnation des crimes du nazisme et du génocide des Juifs d'Europe? Il est peu probable que les réponses se trouvent dans ces archives moyennement secrètes depuis leur publication en grande partie en 1981. Risotto aux truffes françaises. L'ouverture pleine et entière de ces fonds secrets met un terme aux soupçons de dissimulation qui entourent cette période trouble, rendue sulfureuse dans les années 60 lorsque Lars en est emparé pour dénoncer l'attitude de l'Église catholique face à Hitler. En 1963, la première du Vicaire, la pièce de Rolf Horhout, mettait le feu aux poudres, une odeur de soufre ravivée en 2002 par Amen de Costa Gavras, qui adaptait librement le texte original avec, au casting, Mathieu Kassovitz en nonce apostolique, indigné par l'inaction de sa hiérarchie face à l'inhumanité de l'idéologie nazie. Miséricorde, Saint-Père, pour le peuple du Christ. Les publications sont déjà nombreuses sur l'attitude de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'interprétation communément admise analyse les choix du pape comme une manière de préserver l'Église catholique et ses fidèles face à l'anticatholicisme de certaines franges du nazisme et la menace du communisme à l'Est. Un équilibre géopolitique discutable qui se poursuit bien après la guerre, bien après la découverte des camps de concentration, puisque Pie XII reste pape jusqu'à sa mort comme il se doit en 1958. Si l'on n'attend pas de grandes révélations de l'ouverture de ces archives du Vatican, on ne peut que saluer un accès libéré à des documents outrageusement fantasmés depuis 60 ans pour commencer à en faire l'histoire, la fin de décennies d'élucubrations et le début d'un travail scientifique de longue haleine. L'Église n'a pas peur de l'histoire, disait le pape François Ier, mais nous n'avons pas peur d'aller réécouter le journal de l'histoire parce que là, c'est de la vraie histoire. C'est sur le site internet franceculture.fr.